quelle que soit la raison, tu peux enregistrer. Barakallahu fik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحديث السابع والثامن حديث numéro 7 et 8 الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. Le jugement, l'ordre, la loi n'appartiennent qu'à Allah seul, l'unique. Personne n'est associé là-dessus avec Allah, même pas un prophète, ni un ange, ni toute autre créature. Donc ceci est propre, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne l'ordre, c'est Allah qui juge, c'est Allah qui décide de ce qu'il veut. Personne n'est associé avec lui. Même les meilleurs et les plus élevés et les plus proches d'Allah parmi les créatures, personne, même pas eux, ne sont associés à Allah tabaraka wa ta'ala. عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. D'après أنس رضي الله عنه qui rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam a été blessé, frappé le jour de la bataille de Uhud. Et il a eu une dent de cassée due à ce coup. C'est une molaire, ruba'iyya, les grosses dents qu'on a sur les côtés, comment elles s'appellent? C'est les molaires? D'accord, les molaires, une molaire. Et il dit, comment pourront réussir des gens qui blessent, frappent leur prophète? C'est-à-dire, comment peuvent-ils être guidés? Comment peuvent-ils gagner la réussite alors qu'ils en sont arrivés à blesser, frapper, s'en prendre au prophète? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset dans le sens du verset « Tu ne décides de rien. La décision, l'ordre, le jugement ne t'appartient pas. » Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmed. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء الحديث رواه البخاري والنسائي وأحمد والترمذي. Et d'après le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, après avoir levé sa tête de l'inclinaison lors de la dernière rak'a, la dernière unité de prière, de la prière obligatoire de l'fajr, de subh, en disant, « Ô Allah, maudit un tel et un tel » après avoir dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd » « Sami'a Allahu liman hamidah » pendant, la personne elle est inclinée. Pendant qu'elle est en train de se relever, il dit « Sami'a Allahu liman hamidah » Une fois qu'il est complètement debout, il dit « Rabbana wa lakal hamd » Après avoir terminé, il a fait cette dua. Il a fait cette dua, la demande, il demande à Allah de maudire un tel et un tel. Et dans une autre version, une autre variante du hadith, ils sont cités les noms de personnes qui ont été maudites par le prophète sallam. Le prophète sallam a fait des invocations contre des personnes précises qui sont Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, suite à cela, a révélé « Laysa laka min al-amri shay » dans les deux versions, hein. Même la version précédente où les personnes ne sont pas citées. Il a dit « un tel et un tel » sans citer les noms. D'accord ? Là, ils sont cités. Il a dit « le verset, il a été descendu. » Donc ce verset, dans le sens du verset, « tu ne possèdes rien. Ce n'est pas toi qui décides. Le jugement ne t'appartient pas. » Allah dit cela à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahabiya al-Hadith, les deux compagnons, hein, qui nous rapportent le 7e et le 8e hadith. Anas ibn Malik al-Ansari al-Khazraji. Donc Anas ibn Malik, hein, c'est un Médinois d'origine parmi les habitants de Médine, donc un Ansari, de l'Ansar, et plus précisément de la tribu de l'Khazraj. On a déjà vu que dans le passé, qu'à Médine, les Médinois étaient formés de deux tribus, d'accord, les tribus arabes. Il y avait Al-Aus et Al-Khazraj. Anas faisait partie de la tribu de l'Khazraj. Parce qu'à Médine, à l'arrivée du prophète en Salem, il y avait deux tribus arabes. Les vrais habitants de la ville, qui s'appelait avant Yathrib, puis elle sera appelée Al-Madina, la ville du prophète, c'est Al-Aus et Al-Khazraj. Et il y avait trois autres tribus, mais qui n'étaient pas arabes. Ce sont des tribus juives. Banu Qurayza, Banu Nadir et Banu Qaynuqa, qui plus tard seront chassés de la ville de Médine. Ça, pour ceux qui ont étudié ou lu la biographie du prophète sallam, il y a ces passages là. Tayyib. Sahibu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa khadimu. C'est le compagnon bien sûr du messager d'Allah sallam et son servant. Car lorsque le prophète sallam a accompli l'immigration, l'hijra, il est arrivé à Médine, la maman de Anas qui s'appelle Rumaysa, qui s'appelle Rumaysa, et sa kunya c'est Sulaym. Sulaym radiallahu anha, qui est la maman de Anas, elle l'a pris par la main, il avait 10 ans. au moment de l'immigration, Anas, il est âgé de combien? De 10 ans. C'est facile, je vous l'ai dit. Mais vous avez du mal à le dire. Subhanallah. Donc, il est âgé de 10 ans. Et elle l'emmène et elle dit au prophète, je veux qu'il reste avec toi, qu'il te tienne compagnie pour tes affaires de tous les jours, qu'il soit ton servant, à ton service. Et quel honneur a eu Anas de servir le prophète sallam pendant 10 ans. Puisque la période médinoise du prophète sallam, elle dure 10 ans. Donc de ses 10 ans jusqu'à ses 20 ans, il est proche du prophète sallam. Et il gagnera parmi ce qu'il gagnera, les doas, les invocations du prophète sallam en sa faveur. Et parmi lesquelles, qu'Allah il lui donne une bénédiction, une longue vie, de la progéniture, de la richesse. Et Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé les doas du prophète alayhi salatu wassalam, et il vécut très longtemps. Il a dépassé les 100 ans, Anas radiallahu anhu. C'est l'un des derniers compagnons, hein, les derniers compagnons vivants. L'année de sa mort, c'est l'année de naissance de l'imam Malik. L'imam Malik, il est né l'année où est mort ou décédé Anas ibn Malik. Mais ce n'est pas son fils, hein, ni son petit-fils, hein. Bien qu'il s'appelle l'imam Malik, il s'appelle Malik ibn Anas. Et lui, il s'appelle Anas ibn Malik. D'accord? Mais non. Mais voilà, l'année de la mort du compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, c'est l'année de naissance de l'imam Malik, le grand imam de Médine. Il est dit que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, car Anas ibn Malik terminera sa vie en Irak. Il est dit que petit, car l'imam Abu Hanifa, était bien plus âgé que l'imam Malik, hein. Ils avaient pratiquement 13 ans de différence. Mais étant petit, il a déjà aperçu, il a déjà vu Anas ibn Malik. Mais il était petit, enfant. Tayyib. Sahibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa khadimu. Khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin. Donc il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Walahu alf wa mi'ata hadith wa 86 hadithan. Il est rapporté de lui 1286 hadith. 1286. Hein, le nombre de hadith, c'est l'un des compagnons qui rapporta beaucoup de hadith. Il en a rapporté 1286. Ittafaqa ash-shaykhan minha على 168. Les deux cheikhs, c'est qui? Al-Bukhari et Muslim. Quand on dit Al-Shaykhan, ici il est voulu Al-Bukhari et Muslim. Ils ont à eux deux rapporté combien de hadiths? 182. Non, 100. 168 hadiths. D'accord? Ils ont rapporté, donc ils sont des hadiths muttafaq alayh, d'après Anas radiallahu anhu, 168 hadiths. 168 hadiths. Mata bil Basra. Donc il est décédé, Anas ibn Malik radiallahu anhu, dans la ville de Basra, Bassora, qui est en Irak, pas loin de la frontière du Koweït. Une grande ville, pas loin de la frontière du Koweït, qui s'appelle, en français on dit Bassora, la ville de Al-Basra. C'est là où est décédé Anas ibn Malik radiallahu anhu. وقد جاوز المئة. Et il avait dépassé les 100 ans. Le deuxième compagnon qui nous rapporte le huitième hadith, هو عبد الله ibn Umar al-Qurashi al-Adawi. Donc c'est عبد الله ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuما. أسلم قديما بمكة مع أبيه. Hein, c'est un ancien converti à l'islam à l'époque mécoise avec son père. Ils sont entrés dans l'islam. Wahajara wa huwa ibn Ashar. Et lorsqu'il a immigré, il avait 10 ans. Il était âgé de 10 ans lors de l'émigration qu'il a accomplie. Waqad shahida al-Khandaq wa ma ba'daha. Et il a participé avec le prophète sallam la première bataille à laquelle il a participé, c'est la bataille du Al-Khandaq, le tranché, le fossé. La bataille du fossé, qu'on appelle aussi la bataille Al-Ahzab, la bataille des coalisés. Hein, elle porte deux noms. On l'appelle Razwatul Khandaq les Ghazwatu Al-Ahzab. Al-Ahzab, c'est les partis hein, qui se sont réunis, les coalisés. D'accord ? Ce sont les différentes tribus qui ont rejoint Quraysh hein, pour former une grande armée, nombreuse, pour combattre Médine. Les musulmans à Médine, le prophète et ses compagnons. D'accord ? Et on l'appelle Ghazwatu Al-Khandaq parce que pour la première fois, ils vont construire ce fossé, cette tranchée qu'ils ne connaissaient pas à la base. Les Arabes ne connaissaient pas cette construction. Et c'est qui a donné l'idée ? Salman al-Farisi, Salman le Perse, radiallahu anhu, qui a donné l'idée, qui a dit qu'en Perse, ils avaient ce procédé-là pour préserver la ville, pour empêcher l'ennemi de s'introduire, qu'il faisait une tranchée pour leur empêcher de traverser. Surtout les endroits où il y a une facilité à pénétrer dans la ville. Et donc, depuis cette bataille, il a participé avec le prophète, alayhi salatu wasalam, pas celle d'avant, parce qu'il était trop jeune. وَقَدْ شَهِدَ الْخَنْدَقْ وَمَا بَعْدَهَا. Donc il a participé, il était présent à la bataille de Al-Khandaq, du fossé, ainsi que les batailles d'après. وَكَانَ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلَائِهِمْ. Et il était parmi les grands, les élites des compagnons et les personnes de mérite parmi eux. لَازِمًا لِلسُنَّةِ فَارًا مِنَ الْبِدْعَةِ. Il était connu pour son fort attachement. Tous les compagnons étaient fortement attachés à la sunna et très éloignés de toute forme d'innovation. Mais Abdullah ibn Omar, il était connu pour vraiment et trop le montrer. D'accord ? Il le montrait plus que d'autres. Jusqu'à se distinguer, il avait cet acharnement à montrer l'attachement à la sunna. Jusqu'à même à s'attacher à des choses que le prophète faisait, mais qui n'était pas demandé au reste de la communauté. Ça, c'était Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Et il se sauvait de la plus grande, avec force, de l'innovation. Nasihan lil ummah, un bon conseiller pour la communauté. Mata sanata 74 min al hijra. Il est mort en l'an 74 de l'Hégire. Il avait plus de 80 ans à ce moment-là, radiallahu anhu. Al-Mufradat, c'est le vocabulaire. Al-Shajj, fil asl, fil ra'si khasatan. Wa huwa, an tadribahu bi shay'in, fayajrihahu, wa yashukahu, thumma stu'mila fi ghayrihi min al-a'dha. À la base, ce mot, shajja yashujju, c'est blesser quelqu'un, lui ouvrir une partie de son corps, d'accord ? Et à la base, c'est un mot qui était employé, ce mot-là précisément, pour les blessures de la tête. Quand les coups concernaient la tête. Puis, ce mot a été utilisé pour tous les membres du corps. Mais à l'origine, on l'employait seulement pour la tête. Al-Ruba'iyya, kullu sinnin, ba'da thaniyya, wal-insan. Donc là, il explique c'est quoi Ruba'iyya, c'est cette dent qui est juste après Thaniya. Thaniya, je pense, c'est l'incisif. Hein, c'est ça, les dents qu'on a ici, là. C'est l'incisif. Vous ne savez pas. L'incisif, c'est ça. Oui. D'accord. Et on en a quatre. Alors, c'est quoi qu'on en a quatre? C'est les canines. Ah, voilà, il y a des connaisseurs. On n'a peut-être pas de dentiste, mais... Hein? D'accord. Alors je m'y connais pas trop. Hein. Je connais les noms, mais après pour les placer, c'est autre chose. Donc c'est peut-être c'est les canines qu'on en a 4 et des molaires, on en a combien? On en a 8? Non, ne peut compter que celui qui les a toutes. Hein? C'est lui qui lui manque des dents. Bon, khair, inshallah. Tayyib. Al-falah, kayfa yuflihu. Donc c'est pour ça qu'il emploie ici, il explique le mot le falah, parce qu'il a été employé en tant que verbe, conjugué. Hein, pour ne pas me dire qu'on n'a pas vu le mot falah dans le hadith. Si, on le retrouve, mais conjugué. D'accord ? Kayfa yuflihu. Donc ça vient de al-falah. Al-fawzu bil-matloub al-a'zam. C'est de gagner une grande, quelque chose qui est demandé, quelque chose qui est voulu, de le gagner. C'est ce qu'on appelle al-falah. Comme on dit, hayya'la al-falah. Hein? Venez vers la réussite, le grand gain. Al-la'n. Al-la'n, c'est la malédiction. D'accord ? Al-la'na. Al-la'na tout, c'est la malédiction. Al-la'n, c'est le fait de maudire. Hein? C'est le fait de maudire. C'est quoi ? C'est at-tardu wal-ib'adu min Allah. Donc, c'est d'être rejeté, refoulé, éloigné d'Allah. D'accord ? Ça, quand Allah tabaraka wa ta'ala maudit quelqu'un, c'est qu'Allah il l'a refoulé, éloigné de lui. Et ne lui donne plus de miséricorde. Wa min al-khalqi as-sabbu wad-du'a. Et lorsque c'est une créature qui maudit quelqu'un, c'est-à-dire qu'il l'a insulté et qu'il a invoqué contre lui. Vous avez compris la précision ? D'accord ? La malédiction d'Allah, c'est qu'Allah il t'éloigne de lui. Il te refoule, il te rejette, il te prive de la miséricorde. Et la créature, ça veut dire qu'il t'a insulté, il a invoqué contre toi. Al-ma'na al-ijmali. Puisque le prophète, sallam, dans la dua, il a demandé à Allah de maudire des gens. C'est pour ça que c'est dans le vocabulaire. Al-ma'na al-ijmali, le sens global. Khada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ma'raka يوم أحد ضد أعداء الله المشركين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris la bataille le jour de Uhud. Donc la bataille, on l'appelle Uhud, c'est le nom de l'endroit parce qu'il y a la montagne de Uhud. C'est près de la montagne de Uhud, collé pratiquement à la montagne de Uhud, au pied de la montagne de Uhud qu'a eu cette bataille. Pour ceux qui sont déjà partis, hein, et ils ont marché à cet endroit même où il y a eu, où s'est déroulée cette grande bataille de Uhud. Contre les ennemis d'Allah parmi les polythéistes. فهزم المشركين في أول المعركة. En début de bataille, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont eu le dessus, ont battu les polythéistes. Hein, donc les polythéistes, ils ont été battus. Et beaucoup d'entre eux sont même sauvés. ثم بسبب مخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمة أرادها الله دارت الدائرة على المسلمين. Puis à cause de la contradiction de certains parmi les musulmans, certains soldats parmi les musulmans qui ont contredit, qui n'ont pas appliqué l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour quelle raison ? Pour une sagesse qu'Allah a voulu. Et dans tout ce qu'Allah veut, il y a une sagesse, subhanahu wa ta'ala. La tournure de la bataille a pris, donc la bataille elle a tourné en faveur des polythéistes. Donc, il y a un petit mont, le mont des archers, on l'appelle, Jabal al-Rumat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de rester dessus. Il a mis un certain nombre de compagnons, des archers. Vous restez dessus. Vous savez, c'est quoi des archers ? Vous savez, hein, c'est ceux qui ont des arcs avec des flèches, au cas où, on ne sait jamais. Taïeb ? Donc, il leur a dit de ne pas bouger, quoi qu'il arrive. Vous nous voyez gagner, perdre, vous ne bougez pas. Lorsque les archers ont vu les musulmans gagner la bataille et faire fuir l'ennemi, beaucoup d'entre eux sont descendus du mont pour rejoindre les musulmans et aussi partager avec eux cette victoire. En faisant cela, ils n'ont pas respecté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté de ce mont, il y avait la cavalerie des polythéistes, à la tête de laquelle il y avait Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. À ce moment-là, il est polythéiste, il n'est pas encore musulman. Et il était à la tête, c'était un grand guerrier, hein, connu pour ses stratégies dans la guerre, radiallahu anhu, un grand homme parmi les grands hommes de l'islam. Il est dit, Allahu a'lam, mais il est dit de lui qu'il n'a jamais perdu une bataille avant l'islam et après l'islam. Toute bataille qu'il a participé, elle a toujours été gagnée par lui. Subhanallah. Et toutes les batailles qu'il a accomplies, et au final, on ne trouvait aucune trace de blessure dans son corps. Subhanallah. Et donc Khalid ibn Walid avec la cavalerie, quand il a vu que le mont s'est vidé, il ne restait plus grand monde, hein, quelques personnes qui sont restées à leur place, il est venu par derrière et les musulmans se sont retrouvés en plein milieu. Les autres polythéistes sont revenus et, voilà, et la bataille a pris une autre tournure en faveur des polythéistes. Donc, ceci à cause de une désobéissance. Certains ulama, quand ils parlent, ils expliquent ce récit, ils disent parmi les sagesses, c'est voilà ce qui arrive à toute personne qui contredit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura la défaite. Ne jamais contredire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faire ce qu'il a demandé. Subhanallah. Ça, c'est une leçon. Et le résultat de celui qui contredit le prophète, c'est la défaite. Donc il y a des leçons à tirer. فَاسْتَشْهَدَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ. Et de là sont tombés en martyrs certains compagnons, parmi lesquels l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'élite des martyrs, Sayyidu Shuhada, comme l'a nommé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Radiallahu anhu. Il est dit que le nombre de ceux qui sont tombés dans cette bataille, il y en avait, il y a Hamza, si je ne me trompe pas, 5 muhajirines avec lui et 70 parmi l'Ansar. N'est-ce pas? Non, personne pour confirmer, hein? 70, hein, parmi l'Ansar, d'accord. Lorsqu'on va à Uhud, hein, il y a les tombeaux de tous les martyrs de Uhud qu'on visite lorsqu'on va, à Médine. Et les musulmans, ils étaient environ 700 pour cette bataille. À la base, ils étaient combien? Ils étaient 1000. Mais sur le chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, a trouvé un moyen de quitter l'armée des musulmans. Et il a ramené avec lui le tiers. 300 qui étaient avec lui, d'accord, qu'ils ont quitté le champ de bataille. Et en réalité, c'était un bien pour les musulmans. Parce que c'est lourd d'avoir des gens en qui tu n'as pas confiance. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant la bataille. C'est un soulagement. Hein. Il dit qu'à l'endroit où ça s'est passé, ils l'appellent, je ne sais pas. Aujourd'hui, hein, les gens qui connaissent, ils appellent cet endroit, je crois même qu'il y a une mosquée, qu'ils l'appellent Al-Mustarah. C'est l'endroit du repos. C'est-à-dire qu'on s'est reposé de ces gens-là. On était à l'abri de leur mal. C'est mieux qu'ils soient loin, qu'ils soient au milieu. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Donc ils se retrouvent à 700 face à l'armée des polythéistes qui étaient environ 3000. C'est important de lire, hein, la biographie du prophète. Il y a beaucoup de... C'est déjà, on lit, on apprend à connaître le meilleur des hommes. Le dernier des prophètes, d'accord, et l'élu des prophètes, c'est le meilleur des hommes. Et donc, celui qui nous a enseigné tout ce qui nous rapproche d'Allah, nous fait entrer au paradis, qui nous a mis en garde contre tout ce qui nous éloigne d'Allah, qui nous fait entrer dans le feu de l'enfer. C'est important de le connaître, de connaître sa description, de connaître ses enseignements. Et c'est et quel plaisir, hein, d'étudier et de lire de sa biographie. Alayhi salatu wassalam. Donc c'est important, alhamdoulilah, il y a beaucoup de sources et d'ouvrages là-dessus, et même beaucoup sont traduits en français, donc même ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ils peuvent lire en français. Tayyib. فَاسْتَشْهَدَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَأُصِيبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُرُوحٍ. Et pendant cette bataille, le prophète sallam lui-même, hein, qui a participé en personne, il a été blessé, frappé au visage. Donc, hein, et il a eu une dent de cassé qui est tombée. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبعدا فلاح هؤلاء المشركين ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والعناد إلى هذا الحد. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est pas possible. En voyant loin que ces gens qui en arrivent à ce stade-là à frapper leur prophète, à blesser leur prophète, de gagner dans cette vie quoi que ce soit ou d'être guidé à l'islam. C'est une folie. Ces gens sont touchés par une folie d'en arriver à ce stade-là. Comment peuvent gagner, réussir des gens qui en arrivent à blesser leur prophète ? Puis il a invoqué contre un groupe parmi eux, parmi ces polythéistes qui faisaient partie des chefs de Quraysh à ce moment-là. D'accord ? Il a fait les du'as contre eux. Et on a vu dans le hadith qu'il a cité leurs noms, trois de leurs noms. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qunut. D'accord, les du'as qu'on fait dans la prière, on appelle ça du'a ou al-qunut. Et du'a al-qunut se divise en deux. On a le du'a al-qunut habituel, légiféré, qui se fait à tout moment. D'accord, c'est du'a al-qunut de l'witr. Dans les récits authentiques, les hadiths authentiques, c'est dans l'witr qu'on le fait. D'accord, on le fait dans le salat al-witr. Après la rak'a qui est unique, là, celle qui est unique. D'accord, on fait la du'a al-qunut. Que comme on fait pendant le mois de Ramadan, derrière l'imam, il fait les du'a. Bien que tout ce qui est dit après, les du'a rapportés, normalement, on n'a pas à le faire. On se contente seulement de la du'a rapportée. D'accord, quand on est tout seul, Allahumma hdini fiman hadayt wa afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'tayt. Jusqu'à la fin du du'a. Lorsque on est imam et on a du monde derrière nous, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt. Le du'a. D'accord ? Le du'a, on le fait au pluriel. Et les gens derrière, d'accord, disent amin à voix basse, c'est pas besoin de le dire à voix haute. Et l'imam lève les mains, les gens derrière lèvent les mains. Voilà. Taïb. Après tout ce qui est derrière, long ou pas long, ça c'est pas légiféré. On se contente des du'as comme cela nous a été enseigné dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Un mal habitude qu'ont pris les gens de faire des du'as pendant 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Il y en a même qui viennent spécialement pour les du'as. Il y en a même qui sont plus touchés par les du'as que les versets coraniques. Les larmes ne tombent pas pour les versets coraniques, mais elles tombent pour les du'as. Elles ont plus d'effet sur eux, voilà. Et ils cherchent ce moment-là. Et ils cherchent l'imam qui va faire ces longues du'as. Ça, ce n'est pas sunna. C'est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et il ne faut pas dire, oui, mais dans tel pays, ils le font, même à Mecca, ils le font, même à Médine. Ce n'est pas un dalil, ça. Ça, ce n'est pas un argument religieux. L'erreur, c'est une erreur, quelle que soit la personne qui l'ait commise, subhanallah. Il n'a jamais été rapporté que les inventions sont interdites, sauf si elles viennent de telle ville ou telle ville. Non, ça n'existe pas. Comprenez ? Donc, ce n'est pas une argumentation. D'accord ? Ça, c'était une remarque importante à faire. Puis, on a les du'as temporaires, hein, qui peuvent être faits à des moments précis, qu'on appelle qunut nazila. Qunut nazila. Le premier, on appelle ça nawazil. Nawazil, c'est lorsque une catastrophe, un mal, quelque chose d'important touche la communauté, et là, les imams vont faire des du'as. Et le qunut nazila, il se fait dans les prières obligatoires. Il se fait dans les prières obligatoire. Là, en l'occurrence, le prophète Hassan l'a fait dans la prière de Al-Fajr. Hein, c'est la prière de l'aube. La prière de l'aube. L'aube, on l'appelle Salatu Subh et on l'appelle Salatu Al-Fajr. C'est les deux noms de la même prière. C'est la même prière, on l'appelle Al-Subh et on l'appelle Al-Fajr. Donc dans cette prière-là, il est, en plus c'est bien précis, hein, c'est à la dernière raka'a que ça a été fait, et après le lever de l'inclinaison, après avoir dit « Samia Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd », c'est bien précisé, d'accord, que le prophète Hassan l'a fait. Il y a des ulama pour expliquer parmi les règles de qunut nazila qu'il faut l'ordre et la permission de l'autorité. C'est l'État, hein, qui demande aux imams des mosquées, hein, c'est pas n'importe qui vient et dit ben, on va faire dua pour... Non, ça comme c'est un sujet qui touche la communauté, c'est les autorités du pays qui demandent aux imams de faire des dua, hein, pour telle catastrophe, pour tel problème qui touche la communauté, de faire des dua après les prières obligatoires. Comme Salat l'Istisra. Salat l'Istisra, la demande de la prière de la demande de la pluie. On demande la pluie. D'accord ? C'est les autorités. Ils demandent aux imams des mosquées, tel jour, de faire la Salat l'Istisra pour demander la pluie. Ça, c'est parmi les règles concernant ces points-là. Tayyib. Donc là, on est dans un qunut nazila. Qunut nazila. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prophète a fait les doigts, a invoqué qu'Allah maudisse des personnes précises parmi les chefs de Quraysh, les responsables de cette bataille. Laqad anzalallahu al-alimu al-khabir wal-maliku al-mutasarrif alladhi lahu al-khalqu wal-amr وله الحكم في الدنيا والآخرة. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est celui qui sait tout, celui qui est le bien informé, celui qui est le maître de tout, qui possède toutes choses, celui qui gère toute sa création, celui qui possède la création, l'ordre et le jugement dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est propre à Allah. Personne n'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait descendre, révéler, ala akrami rusuli. Il a fait descendre sur, il a révélé à son plus honorable messager, le meilleur de ses messagers, qui est Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, laysa laka min al-amri shay. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Donc tu ne possèdes rien, Allah lui dit, dans le sens du verset. L'ordre, le jugement ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de décider ce qu'il advient de ces gens. Qu'Allah leur donne le moyen de se repentir, qu'Allah leur pardonne ou qu'Allah les châtie parce qu'ils sont injustes. C'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala. Ay, c'est-à-dire, liyal mulku wahdi, wal hidayatu wal idlalu biyadi. La royauté, elle est à moi seule. Elle m'appartient. Et la guidée et l'égarement sont entre mes mains. La mani'a lima a'tayt, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتْ. Nul ne peut empêcher que je donne. Et nul ne peut donner lorsque j'ai empêché. C'est Allah qui fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. De là, on comprend le danger. Des fois, il faut faire attention à notre langage. D'abord, à la base, lorsqu'on parle, on doit savoir ce qu'on dit. Il est dit que l'homme intelligent, l'homme doté de bon raisonnement, sensé, il réfléchit 7 fois avant de parler. Il fait tourner sa langue. Hein, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il médite. Comme ça, lorsqu'il va parler, ce ne sont que des paroles qui seront en sa faveur. que des paroles qui lui seront bénéfiques. Et le fou, celui qui a la tête ailleurs, qui ne sait même pas ce qu'il dit, il parle à tout va. Et qu'est-ce qu'il en découle de ça ? Eh bien, il y a des paroles qui seront en sa faveur et des paroles contre lui. Et combien de personnes ont regretté d'avoir dit des mots et d'avoir parlé ? Combien de personnes n'ont récolté que du mal et à la fin, c'est leur propre langue. C'est leur propre langue. Donc là, il y a un enseignement que c'est Allah. Donc on n'a pas à dire à une personne, toi c'est foutu pour toi. Non mais toi, que tu reviennes ou tu ne reviennes pas, avec tout ce que tu as fait, c'est fini pour toi. C'est interdit de dire ce genre de propos. Quoi qu'ait fait la personne, celui, son maître et son seigneur, c'est Allah. Et Allah, dans ce qu'il fait, il n'a pas d'associé. Donc tu n'entres pas dedans. Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru limen yasha wa yu'adhibu man yasha. Yahdi man yasha wa yudil man yasha. Subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut entrer dedans. Ce n'est pas entre nos mains, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et tant que la personne elle est en vie, il y a espoir. Tant qu'il n'a pas quitté ce monde, il y a toujours espoir. Et on ne sait ce sur quoi la personne elle va quitter ce monde. L'un d'entre vous œuvre comme œuvrent les gens du paradis. Ils font les œuvres du paradis. Jusqu'à qu'il y ait entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Le livre le précède, il commet l'acte des gens de l'enfer et il entre en enfer. Et l'un d'entre vous œuvre comme œuvrent les gens de l'enfer. Il commet les œuvres des gens de l'enfer. Jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le feu de l'enfer que la distance d'une coudée, le livre le précède, il accomplit l'acte des gens du paradis et il entre au paradis. Il faut toujours demander à Allah une bonne fin. Le raffermissement dans ta vie est de bien terminer ta vie. Nulle personne ne peut dire qu'il a une garantie comment il va terminer sa vie. C'est pour ça que parmi les compagnons qui disaient « Man kana mustannan » Celui qui veut suivre, qu'il suive celui qui est mort dans le droit chemin. On sait sur quoi il est mort, car le vivant, on n'est pas à l'abri de son trouble et de sa discorde et de ce qui peut lui arriver. Thumma sha'allahu al-hidayah lahum, fahadahum Allahu lil-islam. Puis Allah a voulu. La volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour ces trois hommes la guider. Ces trois hommes, qu'on a cité leur nom, ils ont été guidés plus tard à l'islam. Allah les a guidés à l'islam. فَكَانُوا مِنْ خِيرَةِ جُنُودِهِ وَأَخْلَصِهِمْ لَهِ وَفَتَحَ اللَّهُ بِهِمْ الدُّنْيَا وَهَدَ اللَّهُ أُمَمًا عَلَى أَيْدِيهِمْ. Et ils sont devenus parmi les meilleurs soldats et les plus sincères. Et de par leur biais, Allah a permis des conquêtes et des territoires qui se sont ouverts pour les musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala a guidé beaucoup de gens par le biais de ces hommes-là. Donc ces trois hommes-là qui ont dont le prophète a fait des doigts contre eux. Plus tard, Allah il les a guidés à l'islam. فَهَلْ يَكُونُ مِنَ الْعُقَلَىٰ مَنْ يَعْتَقِدْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ أَوْ يَتَصَرَّفْ فِي الْكَوْنِ. Est-ce que des personnes raisonnables peuvent croire après cela que le messager d'Allah ou autre personne connaissent l'inconnu, connaissent l'invisible, connaissent le futur, ce monde de l'ghaïb, ou qu'ils ont, ils participent avec Allah dans la gérance de la création, lorsqu'on lit ce récit. Donc, il n'y a que des personnes dont Allah a voulu l'égarement et l'éloignement qui peuvent prétendre que des prophètes ou d'autres participent avec Allah dans la gérance de la création, du monde, ou qui connaissent l'invisible, le futur. Et combien sont-ils, ces gens-là? Combien de gens, de par leur ignorance, ils pensent qu'il y a des créatures qui connaissent l'invisible, qui connaissent les secrets de la création, qui connaissent le futur, et ils vont les voir? Combien? Dites pas qu'il n'y en a pas. S'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de page d'astrologie, il n'y aurait pas de marabout, il n'y aurait pas de devin, il n'y aurait pas de voyant. Si tous ces gens-là prospèrent, hein, et ouvrent des cabinets, et c'est parce qu'il y a des gens qui viennent les voir. Il y a des gens qui viennent les voir. Et Allah sait le nombre de ces gens-là, subhanallah. Ils passent à la télé, dans les radios, dans les journaux, dans les magazines, sur Internet, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le futur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib. Lorsqu'il parle de le ghaib, c'est lorsqu'il en a l'information d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose des questions et il attend la révélation. Il n'a pas la réponse, il attend la révélation. Et dès qu'il a la révélation, il peut répondre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Allah dit dans le Coran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu ne savais pas. Et les bienfaits de ton Seigneur sur toi étaient énormes, grandioses. Et Allah, c'est lui qui a enseigné à tout homme. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et le prophète, Allah, tabaraka wa ta'ala, lui dit, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Tu ne savais pas qu'est-ce que le livre, ni la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala enseigne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donne le savoir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet ce savoir à ses compagnons. Et c'est l'héritage laissé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Allah dit dans le Coran, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Le connaisseur de l'ghaib, celui qui sait le rêve, c'est que Allah seul. Il n'en donne connaissance à personne, sauf celui qu'il a agréé parmi ses messagers. Lorsqu'un messager parle dans le domaine de l'ghaib, c'est Allah qui lui a donné l'information. Sinon, il ne connaît pas. Lorsque cette femme servante, elle voit le prophète retourner d'une bataille triomphant, elle est heureuse. Et elle fait un chant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, parmi ce qu'elle dit, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي. Et en notre sein, parmi nous, il y a un prophète qui sait ce qui se passera le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. لَا تَقُولِ هَذَا لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Ne connaît le ghaib, il lui dit, que Allah. Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Dix personnes, ni dans les cieux, les anges ne connaissent pas, ni sur terre, les créatures sur terre, ni dans les cieux, ni sur terre, ne connaissent le ghaib, sauf Allah. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril alayhi salam, le meilleur, l'élite des anges, face à l'élite des hommes. Et il lui dit, il lui pose des questions, fa'akhbirni 'anil islam, fa'akhbirni 'anil iman, fa'akhbirni 'anil ihsan, fa'akhbirni 'anis sa'a. Informe-moi sur l'islam, sur la foi, sur l'excellence dans l'adoration. Informe-moi sur l'heure. C'est quand l'heure? Quand est-ce qu'elle va sonner? C'est quand la date de la fin du monde? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Ni moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît la réponse, ni toi, Jibril, alayhi salam, ne connaît la réponse. Moi et toi, on est pareil là-dessus. On n'en connaît pas. On ne sait pas quand est-ce. Donc, ce n'est pas la peine d'aller regarder chez Nostradamus ou je ne sais qui. Ça ne sert à rien. Subhanallah. Les gens sont attirés à vouloir savoir. Vous voulez savoir quoi? La fin d'une personne, c'est sa mort. Ça peut être aujourd'hui comme ça peut être dans quelques années. Subhanallah. Et puis il y aura une fin générale commune à tout le monde, qui sera la fin de ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala a gardé cette science auprès de lui. Et Allah, de science, il n'en a donné que très peu. Pour nous, elle est vaste. Et nul ne peut amasser toute la science. Mais auprès d'Allah, elle ne pèse rien. C'est comme une aiguille plongée dans l'océan et retirer. La petite goutte d'eau là qu'il y a sur l'aiguille, c'est ce qui a été donné comme science par rapport à l'océan. Subhanallah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et il te questionne sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi la réalité de l'âme? Il dit, cela fait partie de l'ordre de mon Seigneur. Et il nous a été donné de science que très peu. Très peu. Moussa, alayhi salam, lorsqu'il rencontre Al-Khadir, alayhi salam, Al-Khadir lui dit, Allah t'a donné une science qu'il ne m'a pas donnée. Et il m'a donné une science qu'il ne t'a pas donnée. Tu sais des choses que je ne sais pas et je sais des choses que tu ne sais pas. C'était une Allah tabaraka wa ta'ala a donné une leçon à son prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'un homme lui a demandé c'est qui le plus savant, il a dit c'est moi. Allah lui a dit va à tel endroit, il y a un serviteur parmi nos serviteurs qui t'attend. Taïm. Donc, et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam on le questionne, il attend la révélation. Et les versets coraniques descendent. Yas'alunaka wa yas'alunaka. Il te questionne, il te demande. Hein? Il te demande sur l'âme, il te demande sur les montagnes, il te demande sur les croissants de lune, il te demande sur les orphelins, il te demande sur le butin de guerre. Combien de questions? Et il te demande sur Dhulqarnayn. Combien de questions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la révélation qui descend. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Quraysh, lorsqu'ils lui ont posé des questions, demain je vous répondrai. Pendant 15 jours, il ne répond pas, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, les versets coraniques descendent. Et Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. » Et ne dis pas que je vais faire telle chose le lendemain sans dire Inch'Allah. Donc, yani, c'est important parce que c'est un. Il y a beaucoup de dégâts dans la communauté. Beaucoup de gens, surtout chez les anciens, et même peut-être chez les jeunes, il y en a, ils sont dans le doute. Ils disent, mais peut-être qu'ils connaissent, mais quand je vais le voir, ils me ramènent des informations. Mais oui, c'est normal. C'est diabolique de personnes, de devins, de marabouts, je ne sais comment on peut les appeler. C'est pas important, c'est la même fonction qu'ils ont. Hein? Ces diaboliques de personnes travaillent avec les diables. Parmi les djinns. Tout être humain, il a un djinn qui l'accompagne depuis sa naissance jusqu'à son décès. Tu es face à la personne, il y a des dialogues que toi tu ne vois pas, tu n'entends pas. Et le djinn parmi les shayatines de le djinn, il donne l'information à cet humain, mais il ne lui donne les informations que parce qu'il lui a rendu un service. Il a fait des choses qui sont de la mécréance et du polythéisme. Wal'iyadhu billah. Et la personne, il dit, ben, oui, mais il connaît des choses, tu vois bien. Allahul Musta'an. Donc c'est un danger. Et celui qui croit en ces gens-là, il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas croire aux devins, aux marabouts, lorsqu'ils parlent de l'invisible et du futur, et en même temps croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'aller les voir que par curiosité, comme « mais j'y crois pas, mais j'ai envie de regarder ce qu'il y a dans l'horoscope ». C'est la même chose. C'est la même chose. Ou d'écouter « balance », « nanananana », « gémeaux », « nanananana », hein, « taureau », et ainsi de suite. Hein, lui, il connaît sa date de naissance, il sait qu'il est dans ça ou dans ça. Tout ça, c'est là. Celui-là, pendant 40 jours, 40 nuits, sa prière n'est pas acceptée. Et celui qui y croit, il aura mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un domaine propre à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah n'a donné cela à personne d'être avec lui là-dessus. Al-Ghaib, c'est propre à Allah, Azza wa Jal. Lui seul en a la connaissance. Et parmi les caractéristiques, les points distinctifs des croyants par rapport aux mécréants et aux polythéistes, c'est qu'ils croient en Al-Ghaib. On croit en l'inconnu. Hein? Alif Lam Mim, Dhalika Al-Kitabu, La Raiba Fihi, Hudan, Lil-Muttaqin, Alladhina Yu'minuna Bil-Ghaib. C'est qui ces pieux? C'est ceux qui croient en Al-Ghaib. Puis, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et il possède les clés de l'inconnaissable, de l'inconnu, de l'ghaïb. Ne les connaît que lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: les clés de l'ghaïb sont au nombre de 5. Ne les connaît que Allah seul. Puis il a récité le verset où sont cités ces 5 points. Dans le sens du verset, Allah appartient à lui la connaissance de l'heure, le moment de la descente de la pluie et ce qui se trouve dans les ventres, les matrices ou les ventres des mères. Et aucune âme ne sait ce qu'elle va gagner le lendemain. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Et Allah, il est celui qui sait et il est le bien informé. Subhanahu wa ta'ala. وَهَلْ يَكُونُ عَاقِلًا. Puis le Cheikh Rabi, حَفِظَهُ اللَّهُ, dit وَهَلْ يَكُونُ عَاقِلًا مَنْ يَلْجَأُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فِي الشَّدَائِدِ وَيَنْتَظِرْ مِنْهُ النَّجْدَ وَكَشْفَ الْكُرُوبِ. Est-ce qu'on peut considérer cette personne comme raisonnable, dotée de raison, celui qui est dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, de fort besoin, on le voit se diriger vers autre que Allah, lui demandant de l'aider, de le secourir, de lui venir en aide. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Certes, ce n'est pas les yeux qu'on a qui sont aveuglés, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont véritablement aveuglés. Ma yustafadu min hadhayn al-hadithayn. Combien de personnes, pour mieux que vous compreniez, combien de personnes sont aveugles des yeux, mais sont clairvoyants avec le cœur, et ils sont dans la guidée et dans le droit chemin. Et combien de personnes ont les yeux bien ouverts et ils voient bien les chemins dans ce bas monde, mais ils ont les cœurs aveugles et ils sont dans l'égarement total. Ma yustafadu min hadhain al-hadithain. Les leçons à retenir de ces deux hadiths. Fihi wuqu'u al-asqam wal-ibtila bil-anbiya. On retient de ce récit que les prophètes sont sujets. D'accord ? Qui a parlé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maladie. Oui, mais j'allais le dire. Mashallah. Si je bloque, oui, vous me dites un mot. Mashallah. Donc, son sujet à des maladies, à des épreuves, d'accord ? Comme tout être humain. Hein ? Leur côté humain, il est là. Donc, ils sont touchés par les maladies, ils sont éprouvés. لِيُعْلَمْ أَنَّهُمْ مِنَ الْبَشَرِ. Pour bien faire comprendre aux gens que ce sont des êtres humains. D'accord ? Ce ne sont que des êtres humains. Parce que il y a ceux qui entrent dans des formes de fanatisme et d'extrême et d'amour qui outrepassent les limites, qui s'imaginent que le prophète, en réalité, ce n'est pas un humain. Et il n'est pas comme les hommes. Il est d'une autre nature. Et ça, chez les soufis, je ne vous parle même pas de ce qu'ils peuvent croire là-dedans, surtout les extrémistes parmi eux. Tusibuhum mihanu dunya wa yatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar. Donc ils sont touchés par les épreuves de ce bas monde et leurs corps sont touchés par ce qui touche les corps des autres humains. ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. Pour avoir bien la certitude qu'ils sont des créatures créées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui dépendent de la seigneurie d'Allah azza wa jal. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. Et aussi pour ne pas tomber dans un piège en pensant que ce n'est pas des humains, vu les miracles avec lesquels ils viennent. Les miracles que Allah tabaraka wa ta'ala leur a donnés. Hein, Allah leur a donné des miracles, c'est Allah le véritable donateur de ces miracles. Et donc pour ne pas aussi être troublé par les miracles qu'ils voient chez les prophètes. Wa yulabbis ash-shaytan min amrihim. Et que Shaitan ne vient pas leur embellir certaines idées ou certaines choses comme il l'a fait avec les chrétiens concernant Jésus alayhi salam. Jésus, il est venu avec des miracles. Déjà, sa naissance est un miracle. Il naît d'une mère sans père. Donc pour eux, ils ont dit c'est le fils de Dieu, c'est le fils d'Allah. Alors que plus étrange que la naissance de Isa alayhi salam, Adam alayhi salam, qui Allah a créé de ses mains et lui a donné vie et existence et qui n'a ni père ni mère. Et Isa alayhi salam, il guérissait les gens de la lèpre. Hein, les gens, les lépreux, il les guérissait, mais le véritable guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est une cause. Allah lui a permis de pouvoir guérir les lépreux. De même que Isa alayhi salam disait aux gens, d'accord, ce qu'ils avaient mangé chez eux, le repas qu'ils ont pris et qu'est-ce qu'ils ont gardé. Isa alayhi salam, il faisait sortir des morts. Et il les faisait parler. Mais après, ils retournaient dans leur tombe. Donc, des gens ont vu. Ce sont des miracles. Ce sont des miracles. D'accord ? Mais ce sont des miracles. Isa n'a jamais dit que ça venait de lui. Isa n'a jamais dit que ça venait de lui, mais d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il a très bien dit cela à son peuple en leur disant « Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. » Voilà. C'est réglé. Et Allah, il est mon Seigneur et il est votre Seigneur. Adorez-le. Hada siratum mustaqim. Voilà une voie bien droite. Un chemin bien droit. Qalahu al-Qurtubi. Cette explication-là qu'on vient de voir, Hein, Cheikh Rabi nous dit, cela a été cité par l'imam Al-Qurtubi. Hein, Al-Qurtubi, il est connu pour son tafsir. D'accord ? Pour son tafsir, son explication du Coran. C'est un espagnol, d'accord ? Qurtubi, c'est-à-dire de Cordoba, de Cordoue. Hein, Cordoue, la ville de Cordoue en espagnol, Cordoba, en arabe, Qurtuba. Qurtuba, la Seat Cordoba, vous connaissez ? Seat, Seat, c'est une marque espagnole. Donc, hein, Cordoba, la ville de Cordoba. D'accord. Donc à l'époque où l'Espagne, c'était l'Andalus, l'Andalousie, c'était l'Espagne musulmane, d'accord. Et donc les villes, des villes dont les ulamas sont issus, donc à celui qui est de Cordoue, on l'appelait Al-Qurtubi, d'accord. Séville, Ishbilia, comme le grand savant Abdul Haq al-Ishbili, c'est-à-dire Abdul Haq de Séville, un des grands muhaddith de cette région. Et c'est une terre qui a connu beaucoup de ulamas à ces époques-là. طيب فيه مشروعية القنوت في النوازل. Donc parmi les leçons qu'on retire de ces hadiths, qu'il est légiféré de faire du'a al-qunut lorsque des catastrophes ou des problèmes touchent la communauté. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة ولا يؤثر ذلك في الصلاة. Et parmi aussi les leçons, c'est qu'on y retrouve la permission d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, contre des polythéistes, des ennemis de l'islam précis, des personnes précises. D'accord ? Ce n'est plus une généralité, une précision dans la prière, et que cela n'entache pas la prière. Hein, ce n'est pas des paroles interdites qui viendraient à entacher la prière et à annuler la prière. Wa fihi أن الأمر والملك كله لله. Et aussi parmi les leçons, c'est que la royauté, l'ordre, le jugement, tout cela appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وسادات الصحابة يؤمنون. Le prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre des polythéistes. Derrière lui, des grands compagnons disaient amin. Imaginez le prophète, et derrière lui, les compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes, ils disent amin, oh Allah exauce. Amin, ça veut dire oh Allah exauce la demande. D'accord ? Ils disent amin à au dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falam yastajib lahum fil mad'u alayhim. Et Allah n'a pas exaucé leur demande sur ces personnes sur lesquelles il y avait les invocations contre eux. Thumma hadahum Allah lil iman. Puis Allah les a guidés à la foi. Alors qu'à ce moment-là, le prophète a invoqué contre eux, les compagnons derrière disaient amin, et au final, Allah a guidé ces gens-là. C'est pour montrer que l'ordre, le jugement, la décision appartient à qui ? À Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.